la mélodie des briques. Du plomb dans les ailes, j'ai vu des aigles, ils perdent leurs plumes. Plombé par la France, nos pères jouent au PMU. Moi je suis juste un rêveur de plus. Que la française des cheveux plumes. S'en attendant l'opus, sans CMU, la tête reste sans Chico. Les sirènes grondent, c'est le SAMU. Notre tragédie, Jean Miglo. N'essaie pas de pomper le flot. Il est trop sombre, y'a la mort dans mon sillage. Une odeur nous abonde. Aucune mélodie ne rendra polymonde. C'est mon Val de Derme, chante ses coins les plus sombres. En chanson, c'est pulsion. Si la jette avant de se faire sauter le caisson. Faut du papier brûler le poison. Passe de la crille en pilon. Visage découvert avec un banc nylon. 22 heures, on tape pas dans le même ballon. Faire une deux avec t'envoie mes frères au ballon. Pas de diplôme, ta place arrière d'un camion cita. Injection de seum, les slacks, foot sans des mestas. Nique les commérages, non pratique l'omerta. Rap de paria, moi j'suis persona non grata. C'est la mélodie des billes. Moi je viens de là où les miens crèvent leur tombe avec l'alcool. C'est la mélodie des bris. C'est qui tout double, jacuzzi ou linceul. Je suis la nouvelle école à moi tout seul. C'est la mélodie des bris. Pour certains c'est l'idylle, nous on fait les cours chez Lidl. C'est la mélodie des briques. La mélodie des bras. La mélodie des la mélodie des bris. Je voyais déjà poser des sèches sur ma tombe. Des plages de béton, la peau bronze sous un soleil de plomb. Rifleux. Au nom des miens 11, braqueur caché dans le plafond, moto casse-pipe pas pour le bronze. L'arco sera violent en cas du gigose. Verbal brolique la prose, vous êtes jamais première chambre grosse. Criminogène, ce qu'on fait pour une poignée d'eau. Mettre bien la daronne, vider les barreaux. J'accouche pas mal sans faire la péridurale. Enterré vivant comme Chant, là, par mes funérailles. Depuis mémorial, touché à l'artère fémorale. Je me sens poussé par le mistral, j'ai putain de flow magistral. Pour ça que j'en fous magistrat. C'est tout ce que je paiera, la mélodie des briques. Tu peux pas le gratte, tu te retrouves pas là. Y'a pas de gloire sans tes méras. Abattoir blues, c'est fini la mascarade. MC rangé pour mascara. C'est la mélodie des briques. Moi je viens de là où les miens crèvent leur tombe avec l'alcool. C'est la mélodie des briques. C'est qui tout double, jacuzzi ou linceul. Je suis la nouvelle école à moi tout seul. C'est la mélodie des briques. Pour certains c'est l'idylle, nous on fait les cours chez Lidl. C'est la mélodie des briques. La mélodie des briques. La mélodie des la mélodie des briques. Avec du Paul Rémy, moi et mes amis, ce qui nous anime, tuer l'ennui. Une fois que la journée se termine, que l'état t'extermine. Fais des pour moi, royal, je bois mi. On fait l'arrivée du ami avec du Paul Rémy, moi et mes amis, ce qui nous anime, tuer l'ennui. Une fois que la journée se termine, que l'état t'extermine. Fais des pour moi, royal, je bois mi. C'est la mélodie des bris. Moi je viens de là où les miens crèvent leur tombe avec l'alcool. C'est la mélodie des bris. C'est qui tout double, jacuzzi ou linceul. La nouvelle école à moi tout seul. C'est la mélodie des briques. Pour certains c'est l'idylle, nous on fait les cours chez Lidl. C'est la mélodie des briques. La mélodie des briques. La mélodie des la mélodie des briques. Rap français, je suis son cauchemar.